Puis on se conscientise. Puis on est susceptible à tous les jours de découvrir quelque chose de neuf. Quand je veux dire de découvrir quelque chose de neuf, je veux dire qu'on est susceptible à tous les jours de pénétrer par notre propre intelligence dans les mystères de la vie pour en retirer le maximum de l'information et pour pouvoir, avec l'aide de cette information, réajuster notre vision de nous-mêmes. La vision qu'on a de nous-mêmes en tant qu'ego, la vision qu'on a de nous-mêmes en tant que personnalité, afin de nous permettre de vivre le mieux possible. Puis une des pénétrations dans les mystères de la vie que l'on doit vivre, c'est la compréhension réelle de l'âme. Dans le passé, les hommes atteignaient la connaissance par le biais du corps astral. Ils atteignaient la connaissance par le biais de la recherche spirituelle. Et la connaissance qu'ils atteignaient, qu'ils vivaient, étaient colorés par leur spiritualité. Mais l'homme aujourd'hui et l'homme de demain ne pourra pas vivre de la connaissance astrale parce qu'elle est insuffisante, la connaissance astrale. Elle est insuffisante parce qu'elle n'est pas précise. Elle est insuffisante parce qu'elle est prisonnière des formes spirituelles. Et elle est insuffisante parce qu'elle ne donne pas à l'ego le dégagement nécessaire qu'il a besoin dans la vie pour réellement vivre sur le plan matériel ou sur le plan de l'éther, d'une façon parfaite. La connaissance du passé est une connaissance insuffisante parce qu'elle dominait, d'une façon ou d'une autre, l'esprit de l'homme. De sorte que, avec cette connaissance-là, l'homme grandissait en spiritualité, mais ne grandissait jamais en connaissance totale, ne grandissait jamais en conscience parfaite. Ne grandissait jamais dans la connaissance de ses propres mystères et n'atteignait jamais le but de la connaissance, qui est de connaître parfaitement les lois du mystère. Et pour entrer dans la connaissance des mystères, il faut avoir une intelligence. On ne peut pas se servir de notre intellect parce que ça ne marche pas l'intellect à ce niveau-là. Mais on a une autre intelligence qu'on a déjà nommée le supramental. Puis il faut connaître la constitution de l'homme. On sait que l'homme est fait d'une personnalité, on sait qu'il est fait d'un ego, on sait qu'il est fait d'une âme. Ça s'arrête là. Mais il y a d'autres choses dans l'homme. À part de l'âme, l'ego, la personnalité. Cette autre chose dans l'homme, qui est sa seule sécurité, il n'y en a pas d'autre. C'est l'intelligence. L'âme, qui est la partie la plus haute de l'homme, la plus élevée de l'homme, le principe le plus élevé de l'homme, poursuit son évolution. L'âme veut évoluer à tout prix, c'est rien que ça qu'elle veut. Mais l'ego, lui, quand il est inquiet, il est soumis à cette dictée de l'âme qui veut évoluer, puis veut évoluer, puis veut évoluer. Alors, l'âme, elle veut évoluer par-dessus tout. Pendant que l'âme veut évoluer par-dessus tout, l'ego mange de la merde. L'ego souffre. Puis la raison pour laquelle l'ego souffre, c'est que l'ego n'est pas intelligent. L'ego parle de l'âme, puis il parle de l'âme, puis il parle de l'âme, puis c'est comme si c'était la fin du monde, l'âme. C'est pas la fin du monde, l'âme. L'âme, c'est un principe de l'homme. Comme l'ego est un principe de l'homme, comme la personnalité est un aspect de l'homme. Et chaque principe, chaque aspect a droit à son équilibre. La personnalité de l'homme a droit à son équilibre, l'ego de l'homme a droit à son équilibre, l'âme a droit à son équilibre. Mais l'âme, de par sa constitution, de par son origine, cherche son équilibre à l'insu de l'ego. L'ego n'étant pas intelligent, vit à l'insu de la recherche évolutive de l'âme et souffre de l'âme pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et la personnalité de l'ego est incapable de vivre en harmonie avec l'ego parce que l'ego lui-même n'a pas suffisamment d'intelligence pour réellement comprendre la fine distinction qui existe entre lui et l'âme et l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, ça n'a pas d'affaire avec l'âme. L'âme, c'est l'âme, ça fait partie de l'âme. L'ego, c'est l'ego, ça fait partie de l'âme. La personnalité, c'est la personnalité, ça fait partie de l'âme. L'intelligence universelle est en dehors de l'âme. Et à un moment donné dans l'évolution, l'homme doit se manifester. L'ego de l'homme doit participer à l'intelligence universelle, pas l'âme. L'âme n'a pas besoin de participer à l'intelligence universelle parce que l'âme n'a pas besoin d'intelligence. L'âme, tout ce qu'elle a de besoin, c'est d'évoluer. À pas besoin d'intelligence. Elle se sert de l'ego pour évoluer. Mais l'ego a besoin d'intelligence pour, à un certain moment, se décrocher intelligemment de l'influence de l'âme dans cette vie. À un certain moment, il faut que l'ego devienne suffisamment puissant, suffisamment fort, suffisamment intelligent et suffisamment volontaire pour faire attaque, pour contrecarrer, pour contremander, pour aller contre le désir incessant et absolu et éternel de l'âme en évolution. Un ego qui ne réalise pas dans son évolution qu'à un certain moment, il est obligé de dire, wow, c'est assez, là. Toi, tu veux évoluer, ça marche. Mais moi, je veux vivre. Un ego qui ne comprend pas ça souffrira tout le temps sur le plan. Qui souffre matériellement ou qui souffre spirituellement, il souffrira anyway. C'est pas l'âme qui va faire savoir parce que l'âme, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est en dehors, au-dessus de. Ça fait partie des principes universels qui sont cosmiques et auxquels a droit l'ego et auxquels a droit de plus en plus l'ego au fur et à mesure que l'âme et l'intelligence en lui se fusionnent. Alors, pour que l'ego ait accès à l'intelligence pure, faut qu'il y ait une fusion quelconque qui se passe entre l'intelligence pure et l'âme, entre l'ajusteur de pensée et l'âme du mortel. Parce que l'ajusteur de pensée ne peut pas fusionner avec l'ego. Il doit se fusionner avec des essences qui sont primordiales. L'âme, c'est une essence primordiale. Alors, il fusionne avec l'âme. Mais à un certain moment, quand ça descend, ça, à un certain moment, il faut que l'ego puisse vivre de cette intelligence-là qui est en fusion avec l'âme, pour que l'intelligence bénéficie l'ego et pour que la personnalité bénéficie d'un ego intelligent. Sans ça, la vie sur Terre ou dans n'importe quel plan, ça n'a pas de crise de bon sens. Sans ça, l'homme ne peut jamais s'immortaliser. Sans ça, l'ego ne peut jamais prendre le contrôle des énergies de l'âme pour transmuter atomiquement son corps matériel. Sans ça, l'ego est un esclave. Et l'ego est soumis constamment à la loi de l'incarnation. La loi de l'incarnation, ça fait l'affaire de l'âme. Mais à un certain moment, ça peut faire l'affaire de l'ego. À un certain moment, il faut que l'ego se réveille. Faut que l'ego se réveille suffisamment pour avoir suffisamment de volonté et d'intelligence pour pas être intéressé à l'amour. L'âme, c'est l'amour, l'âme. Vous ne pouvez pas de l'amour. Vous n'avez plein quatre de l'amour. Mais de l'intelligence, vous n'avez pas gros et de la volonté non plus. Mais de l'amour, vous n'avez rien. Puis l'amour, ça fait partie de l'énergie de l'âme en vous autres. Mais l'intelligence et la volonté, ça ne fait pas partie de l'énergie de l'âme. L'âme, elle écrit avec, elle écrit, elle est issue du principe de l'amour. L'ego, faut qu'il devienne une manifestation du principe de l'intelligence et de la volonté. Puis un ego qui comprend pas ça dans son expérience sur la Terre est automatiquement obligé de mourir. Il est automatiquement obligé de passer outre les dimensions qui lui permettront éventuellement d'immortaliser son corps intérieur. Ce qu'on n'a pas sur la Terre, c'est de l'intelligence et de la volonté. Parce qu'on n'a pas suffisamment souffert. L'intelligence et la volonté, ça ne vient pas à l'homme. Pardon. L'intelligence et la volonté, ça vient à l'homme par l'expérience de la souffrance qui l'amène un jour à raffiner son intelligence à un tel point, et à raffiner sa volonté à un tel point qu'il devient automatiquement un centre d'équilibre entre la volonté absolue et indéniable de l'âme d'évoluer et à l'ego de créer. L'ego veut créer et l'âme veut évoluer. Et plus l'âme évolue, plus il crée. Mais à un certain moment, l'ego il est fatigué de se faire tirer par un train qui n'arrête plus. Puis la seule chose qui peut arrêter le train qui n'arrête plus, c'est l'intelligence de la volonté. Mais les hommes, nous autres les hommes, on était contaminés. On était tellement contaminés dans le passé par l'éducation, par la culture, par la philosophie, par tout. On était tellement contaminés par tout ce qui est en dessous du principe d'intelligence. Aujourd'hui, quand on rentre un petit peu en contact avec le principe de l'intelligence, il se crée à nous autres une inquiétude, un tremblement, un doute. On n'est pas sûr si on a raison. Puis automatiquement, ça tue notre volonté. Mais quand vous allez avoir suffisamment souffert de l'âme qui veut évoluer, le train, puis le train, puis le train, vous allez arriver un jour que ça va vous amener à vous rebeller contre cette énergie. Ça va vous amener un jour à vous rebeller et à dire, wow, c'est assez, là. Puis ça va venir en même temps que vous allez avoir l'intelligence et la volonté. Tu ne peux pas te rebeller si tu n'as pas l'intelligence et la volonté, parce qu'il faut que tu aies les deux pour te rebeller. Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne sais pas pourquoi te rebeller. Si tu n'as pas la volonté, tu n'es pas capable. Si tu as l'intelligence, tu sais pourquoi tu te rebelles et tu as la volonté pour le faire. À ce moment-là, il y a un équilibre entre l'âme et l'ego. À ce moment-là, vous vivez une vie comme du monde. Que ce soit tout le temps matériel ou dans les terres, sauf en sac, vous vivez une vie comme du monde. Au lieu de vivre comme des poissons. On est des niaiseux sur la terre. Puis bien plus qu'on s'imagine. Une maudite marche. Une maudite marche. Qu'on est des niaiseux. C'est pour ça que on a bien des choses à apprendre. On commence. Faut que l'homme perde sa mémoire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire perdre la mémoire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche la mémoire pour la perdre. La mémoire était liée à tout ce qui est du passé. La mémoire était liée à tout ce qui est d'intellect. Puis où est-ce que ça se rend? Où est-ce que ça se développe, cette mémoire? Où est-ce que ça se tasse? Où est-ce que ça reste? Où est-ce que ça se réserve, ça? Ça se réserve dans la conscience astrale de l'homme. Pas dans la conscience mentale supérieure de l'homme. Il n'y en a pas de mémoire là-dedans. C'est l'autre patente. Il faut que la mémoire de l'homme devienne le produit de l'intelligence universelle en lui, et non le produit de son intellect ou de son astral, ou de son cerveau mécanisé. Sans ça, si l'homme ne perd pas sa mémoire dans 10, 15, 20, 25 ans, il ne pourra jamais vivre de l'intelligence universelle qui est mémoire totale. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il développe sa mémoire. Qui c'est qui fait? Il vit avec sa mémoire. Il vit de sa mémoire. Puis qui c'est qui en profite? C'est l'homme. C'est toujours l'homme qui en profite. Pas lui. C'est l'homme. Mais l'homme, il n'est pas prêt facilement à mettre sa mémoire de côté. Parce qu'il s'en sert à sa mémoire depuis des siècles. Sa culture est fondée sur ça. Son intellect est fondé sur ça. Ce qu'il pense, sa philosophie, sa psychologie, tout ce qu'il pense. C'est fondé sur sa mémoire. Parce que tu comprends que l'ego, au début, il y a la chienne de perdre sa mémoire. Parce qu'il a peur d'être déculotté, l'ego. Mais par contre, s'il ne perd pas sa mémoire, il n'y aura jamais accès à son intelligence réelle. À l'intelligence universelle. À l'intelligence de tout le monde. Parce que c'est le prix qu'il faut payer. Tu es obligé de perdre ta mémoire subjective, planétaire, pour avoir accès à la mémoire cosmique, universelle, ou appelez ça comme vous voulez. Puis une fois que l'ego rentre dans sa mémoire universelle, il rentre dans l'intelligence universelle. Puis à ce moment-là, il n'a plus besoin de mémoire, parce qu'il est mémoire. Mais il est mémoire quand il doit l'être. Quand il ne l'est pas, il ne l'est pas. Puis il s'en fiche. Puis il n'en souffre pas. Faut que la mémoire de l'homme sorte du temps. Parce que la mémoire de l'homme est toute prisonnière du temps. Puis tant que l'homme va être dans le temps, l'homme ne pourra jamais avoir des idées qui sont impossibles. Puis si tu n'es pas capable de fonctionner avec des idées qui sont impossibles, t'es fini. T'es fini. Parce que tu vas toujours fonctionner avec des idées possibles. Si tu fonctionnes avec des idées possibles, tu vas fonctionner avec la mémoire. T'es fini. Tu ne pourras jamais contrecarrer les influences de l'âme sur ton ego. Ça veut dire que tu es obligé automatiquement de rentrer et de sortir. Réincarnation, réincarnation. On n'a pas de choix. C'est même ça marche. Mais on a peu du choix parce qu'on pense qu'on a un choix à faire. On n'a pas de choix à faire. Parce que l'âme, une fois qu'elle commence à descendre, qu'elle commence à se sentir, puis elle commence à se sentir, le train fonctionne, Charlie, puis l'ego est obligé de subir les vibrations. C'est quand il commence, quand il n'a que les casques, qu'il commence à mettre les breaks au train. Quand l'ego commence à mettre les breaks au train, quand un ego est capable de breaker le train, là, l'ego commence à être intelligent. Il commence à avoir de l'oreille. Ça vous apparaît peut-être bien abstrait ce que je vous dis, mais un jour, vous allez voir que c'est bien concret. Parce qu'un jour, vous allez prendre des fuites de colère, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans. Vous allez prendre des fuites de colère, quand même, vous avez été doux comme un agneau pendant 50 ans, vous allez devenir des idiots. Regardez bien ce que je vous dis. Parce qu'il va venir un point dans votre vie où vous allez être obligé, en tant qu'ego, de mettre un break dans la vibration de l'âme. Qui va évoluer, puis évoluer, puis évoluer, puis évoluer, puis évoluer. Pour que vous autres, vous puissiez faire ce que vous voulez en paix. Puis plus vous allez rentrer dans la fusion, plus vous allez sentir, puis savoir, puis comprendre ce que vous voulez. Personne ne sait qu'est-ce que c'est l'âme. Oh, il y a bien des livres écrits sur ça. Mais personne ne réalise que c'est un train, cette affaire-là. Ça va évoluer, ça va évoluer. C'est totalement vampirique, l'âme. C'est totalement vampirique, l'âme. C'est la force dans l'homme qui permet d'évoluer. C'est mauditement puissant, cette force-là. Au départ, qui? Au dépend de l'ego qui est mauditement fait. Mais un jour, quand vous allez avoir vécu suffisamment pour comprendre ce que je vous dis, à ce moment-là, vous allez devenir suffisamment fort et éventuellement, vous allez devenir comme moi, mauditement fort. Mentalement et en volonté. À ce moment-là, le train, vous allez l'arrêter. Quand vous allez arrêter le train de l'évolution de l'âme, quand vous allez pouvoir arrêter l'âme, en contrôler les vibrations de l'âme, vous allez être prêt à rentrer dans les terres. Mais pas avant. C'est là que vous serez des agents en ligne. Le reste, c'est toute la merde. Parce que c'est tout lié à votre spiritualité, puis tout le tralala qu'on a, là, puis qu'on s'est fait rentrer dans la tête comme des matelas depuis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Ça n'est que rentrer. C'est ça que les hommes aujourd'hui ont plus de volonté. Puis ils n'ont pas d'intelligence. Tu lis les livres des saints. Mon âme, crève comme si t'as la fin du monde. Mon âme. Inquiète pas de ton âme, elle marche ton âme, il marche le train. Mais toi et ton ego, par exemple, au lieu de dire mon intelligence, puis ma volonté, non, c'est mon âme. Toutes les livres de saints, toute l'âme, il en pleure, il en bave, il m'apparaît, comme des maudits niaiseux. L'homme a beaucoup de choses à apprendre à la fin du siècle. Puis l'homme va être bouleversé à la fin du siècle, parce qu'il n'a rien commencé à apprendre. J'ai pas commencé à parler encore. Je commence à révéler. L'homme doit devenir tellement intelligent, tellement dans le principe de l'intelligence, qu'il doit être capable, à volonté, d'ouvrir toutes les portes des mystères qui tournent devant lui. À volonté. Puis un homme qui ne peut pas ouvrir les portes des mystères à volonté, c'est pas un homme. Ou c'est un homme, mais c'est pas un sur-homme. Il appartient pas à la race de demain, il appartient à la race d'hier. Il est encore en évolution. Puis il peut rien faire. Rien. Il peut subir, mais il peut rien faire. On est encore teintés comme des tapis. L'amour. L'amour. Pas l'amour, c'est de l'amour spirituel. C'est un produit chez Woolworths. Il est temps que l'homme sache qu'est-ce que c'est, cette affaire-là, cet homme-là. J'ai pas commencé à parler de l'homme en gros. On dirait que je commence jamais. J'ai commencé. Mais c'est la souffrance qui nous amène à la science de l'homme. Il n'y a pas rien d'autre chose que ça. Quand même, vous seriez rose dans les oreilles. Spirituellement, puis bon au monde. Bon à tout. On a tout à réapprendre de l'âme. On a tout à réapprendre de l'ego. On a tout à réapprendre de la personnalité. On a tout à réapprendre de l'intelligence et de la volonté. C'est pour ça qu'on a tout à souffrir. Tout à gagner. Il n'y en a pas un de vous autres qui va pas souffrir au cours des années, c'est impossible. Vous n'avez pas de choix. Mais, il y en a parmi vous autres qui peuvent souffrir moins que souffrira autrement. Puis il y en a parmi vous autres qui peuvent, s'ils sont intelligents, pas souffrir pantoute. Mais ça dépend toujours de vous autres. Ça dépend toujours de vous autres. Si vous avez les épaules vertes, puis vous n'êtes pas capable de vous accepter intérieurement, d'accepter vos intuitions, d'accepter le réel. Vous devez mettre dans l'esprit, n'importe quoi. Si vous êtes capable d'accepter le réel intérieurement, les idées impossibles, parce que vous ne pouvez pas vous faire nourrir des idées possibles, ça ne vaut pas de la merde, le possible. Parce que le possible, c'est de conditionner sa mémoire. Puis l'impossible, c'est tout ce qui est au-delà de la mémoire, au-delà de la pensée subjective, c'est tout ce qui est dans le réel, l'impossible. Parce que l'impossible, quand ça se manifeste, ça devient le réel. Si vous n'êtes pas capable philosophiquement, psychologiquement, au niveau de vos idées de fonctionner dans l'impossible, vous ne serez jamais capable de vous servir de votre intelligence, parce que votre intelligence est là-dedans. Votre intelligence est impossible. Si vous me donnez la pilule, la fois que vous faites plaisir. Avec ce qui choque pas vos petites émotions spirituelles. Qui met pas vos petits Jésus à la poubelle. C'est vous, papa. Gardez-les, vos petits Jésus. Quand je dis que l'âme, c'est un train, laissez-moi vous dire que je le sais. Ça prend un ego moindrement intelligent et moindrement volontaire pour arrêter ce train-là. Puis l'ego doit l'arrêter, le train de l'âme, quelque part. Parce qu'un ego qui n'arrête pas le train de l'âme, s'il est trop sensible, il craque. Les gens qui craquent, là, c'est ce que tu penses, c'est ça. Ça craque. Le corps émotionnel, le corps astral, il est fier de le prendre, la vibration de l'âme. Il craque, ça va d'autre part, puis il revient, pour constituer d'autres corps, puis il revient. L'âme, elle continue. Continue. C'est pour ça que l'homme de demain, l'homme de l'avenir, l'homme de la septième race, sera équivalent en intelligence, en volonté et en amour, aux êtres les plus évolués dans le cosmos. Parce qu'il aura compris finalement qu'un homme, c'est un dieu. Qu'un homme sait pouvoir. Qu'un homme sait savoir. Qu'un homme devient éventuellement parfait quand il y a un équilibre parfait entre lui et l'âme. Mais on est mauditement spirituel. Ça. C'est là que ça prend des années pour évoluer. Ça ne se fait pas d'un bout à l'autre. Capote de tout. Ça prend des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis encore des années. C'est pas les ajusteurs de pensée qui nous cassent les pieds. On pense que c'est les ajusteurs de pensée, parce qu'ils nous parlent. C'est que d'autres essayent de fusionner avec l'art. Ils peuvent seulement fusionner parfaitement avec l'homme quand l'ego est de plus en plus parfait. Plus l'ego est parfait, plus ils peuvent fusionner. Moins il est parfait, moins ils peuvent fusionner. Fait qu'il est important, l'ego. Je parle pas de l'ego inconscient, la tapette hawaïenne. Je parle de l'ego. Le centre mental de l'homme, le centre de l'homme, le centre de la personne. L'homme a une très grande responsabilité envers lui-même. Lui-même, pas le monde. L'homme a une grande responsabilité envers lui-même, puis il découvre cette responsabilité envers lui-même seulement quand il est parfaitement conscient de la réalité de lui-même. Puis la réalité de lui-même, la conscience de cette réalité de lui-même. Il lui vient dans son rapport constant avec l'âme. Dans sa compréhension de plus en plus raffinée de ce qu'il fait en lui, puis où lui doit mettre les brins. Parce que plus tard, quand l'homme sera centrique, quand l'homme aura suffisamment d'intelligence et de volonté, l'homme pourra à ce moment-là faire ce qu'il en fait sur la planète, que ce soit pourquoi. Et ça coïncidera avec son désir profond. Ça veut dire que ça coïncidera avec sa destinée, ça coïncidera avec ce qu'il doit faire, ça coïncidera avec son intelligence et sa volonté. Ça, c'est un désir. Mais d'ici à ce temps-là, l'homme doit la dompter. L'homme. Puis autant avant, on parlait de l'âme, on se mettait à quatre pattes pour l'âme. Les gens qui font des voyages astral, des voyages de l'âme. Puis des petites nouvelles pour eux autres. Des voyages de l'âme. Quand ils s'en vont en campagne, ils pensent qu'ils s'en vont en ville. Puis je vais vous dire une chose. Il y a bien du monde, tu sais, la soirée, puis je parle pour très peu de personnes. Très peu de personnes. Très peu de personnes. Parce qu'il y en a très peu qui peuvent réellement sentir ça, ce que je veux dire. L'initiation solaire. C'est quoi l'initiation astrale, l'initiation solaire? C'est pas un maudit cadeau, l'initiation solaire. C'est un cadeau quand t'as fini. Moi, je vous le dis, il y a deux choses qu'on a besoin, c'est de l'intelligence et de la volonté. Laissez faire l'amour. Et si vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de volonté, l'amour va vous charrier. Parce que l'amour, c'est l'âme. L'amour, c'est le produit de l'évolution de l'âme. Plus elle évolue, plus sa manifestation est amoureuse. Qui paye le prix de l'ego? Pour que notre intelligence se désintoxique, puis on a des mots d'illusion. Même parmi vous autres, ceux qui pensaient que vous n'avez pas d'illusion, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ceux qui se pensent bien smart, vous avez frappé des mots d'une à l'heure. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la vie encore. Vous allez frapper des nœuds. Moi-même, vous obstineriez plus, vous n'aurez jamais l'air, vous ne m'obstinez pas. Mais j'ai toujours raison. Si vous êtes capable de me prendre. Allez. Pouvez essayer de vous donner la pilule. Donnez-vous la seule, la pilule. Je pourrais faire ma signe. Tous les rapports entre l'ego et l'âme sont des rapports subtils. Tous les rapports entre l'ego et l'intelligence sont des rapports parfaits. Et la subtilité entre l'ego et l'âme doit coïncider avec la perfection entre l'ego et l'intelligence. Pour que l'ego comprenne parfaitement où en est l'âme, où en est l'ego, et où c'est assez, quand c'est assez. Et à ce moment-là, quand l'ego est capable de dire c'est assez, l'ego augmente sa vibration. L'ego entre dans le supramental. L'ego se libère de la mémoire. L'ego se libère de la forme qui est le siège de la mémoire. L'ego entre dans l'intelligence parfaite et ça lui permet de faire ce qu'il veut. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut, tant qu'on est sur le plan matériel, c'est faire ce qui nous fait plaisir. À nous autres, même. Pour réduire la tension vibratoire de la souffrance de l'âme. C'est la seule raison. Le plaisir de l'homme sur la terre, c'est de réduire le but du plaisir de l'homme sur la terre, c'est de réduire la tension vibratoire de l'âme sur l'ego. Mais l'homme n'est pas capable de maintenir ce plaisir-là. Parce que les conditions de vie changent constamment, son inconscience est totale. Mais quand l'homme devient conscient, il vient à un point où le plaisir sur la terre, il le maintient d'une façon continue, de sorte que sa vie est toujours dans le plaisir. Sa vie est toujours un plaisir. Il est toujours bien dans sa peau. S'il n'est pas bien dans sa peau à un certain moment, c'est parce que c'est l'âme qui fait interférence. Fait que c'est lui, en tant qu'égaux, par le biais de ton intelligence, ta volonté de retracer le bilan entre l'âme et... Voyez-vous le portrait? Fait que la minute que vous êtes pas bien dans votre peau, c'est parce que l'âme agit sur votre ego. À ce moment-là, c'est à vous autres de vous servir de votre intelligence et de votre volonté pour redresser le bilan. Si vous n'êtes pas capable, elle va continuer parce que le train continue. Tu ne peux pas aller en ligne droite, puis en ligne droite, puis en ligne droite, puis suivre le mouvement de l'âme. On l'a suivi depuis qu'on est venu au monde, le mouvement de l'âme. On l'a suivi à toutes sortes d'étapes. L'éducation, la spiritualité, la philosophie, ce qu'on s'aille, toutes les affaires. On a suivi le mouvement de l'âme. Là, on commence à en contrôler les effets sur le plan matériel. C'est pour ça que c'est là que l'homme commence à avoir de la santé intellectuelle. De sorte que le mouvement qui était comme ça avant, là, c'est rendu, il faut qu'on tourne à 90 degrés dans notre direction à nous autres. Quand vous pourrez le faire revenir sur vous autres, vous serez dans le pouvoir de l'État. C'est une maudite job. Breaky l'âme. C'est une maudite job. Ceux qui ont atteint le seuil de la souffrance vibratoire suffisamment intense pour comprendre ce que je veux dire sont rares dans toutes les 7, 8, 900 que je fais. C'est le seuil. C'est la porte. Quand tu rentres dans la chambre, c'est non plus là. Là, tu deviens mauditement intelligent. Tu sais, je dis mauditement intelligent. Pas pour rien, je dis mauditement intelligent. Parce que c'est maudit l'intelligence. C'est maudit l'intelligence parce que c'est parfait l'intelligence. Tout ce qui est parfait dans la tête, c'est maudit. Rappelez-vous ça. Vous comprendrez un jour ce que je veux dire. Rappelez-vous bien de ça. 1981. C'est maudit, ça sera toujours maudit l'intelligence dans la tête, c'est le matériel. C'est dans les terres que ça sera considéré comme glorieux l'intelligence. Mais dans la tête, ça sera toujours considéré comme vous. La volonté de l'arrêt. On n'en parle pas dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut qu'on devienne maudit intelligent. Pas éducation. C'est pas l'intelligence. C'est la mécanique. C'est plein de yo, des beaux yo, c'est pas beau. Des yo pareil. Il y en a parmi vous autres qui sont rendus à un point de sensibilité interne, de sensibilité vibratoire, qui commencent à sentir le combat entre leur volonté et l'âme, leur volonté et l'âme, leur volonté, le combat. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à grandir. Quand tu commences à sentir le combat, pas crème fouettée, le combat. Si tu es encore dans la crème fouettée, tu en encore plus de l'âme est une puissance qui doit servir l'ego. L'âme est une puissance qui doit servir l'ego. Pas l'ego qui doit servir l'âme. Ça, c'est durant l'évolution que l'ego sert l'âme. Dans l'évolution, l'âme sert l'ego. C'est officiel, c'est absolu, c'est de même, ça va être de même. Parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est un changement de perspective au bout. C'est un changement de perspective total. C'est pour ça que je vous dis que l'intelligence est maudite. Mais un jour, il faut que vous arriviez à votre propre intelligence. Je vous donne les moyens. Je vous montre les barrières. pour que vous autres, de votre propre hache, vous mettiez la hache dedans. Autant le plan d'évolution de l'homme est vaste, autant le plan d'évolution de l'homme est étroit. Il est vaste en ce qui concerne l'homme, il est étroit en ce qui concerne l'ego. Quand l'ego est intelligent, quand l'ego est dans la fond, est dans la volonté universelle, l'étroitesse du plan d'évolution de l'homme devient vaste pour l'ego. J'ai rendu écœuré de voir de l'ego soumis à l'âme, sous-tendu par la force, prisonnier de la force. Je l'ai gardé assez longtemps. Ça, c'est une réalisation profonde dans l'intelligence. C'est l'ego de façon intelligente qui doit réaliser ça. Pourquoi est-ce que les comprends, je parle d'intelligence, puis volonté, puis je parle d'amour séparément? Parce qu'ils sont séparés. Même dans les terres qui sont ensemble. Sur le plan matériel, l'homme n'a pas besoin d'amour. Il est amour. Mais il n'y a pas intelligence puis volonté. Mais amour, il est. Dans les terres, il pourra se servir de ce principe-là. Au niveau de son ego. Mais un homme qui vit d'amour dans la terre, il est fini. Il est fini. Parce que l'ego est vampirique. Autant l'âme est vampirique, autant l'ego est vampirique. Mais l'ego est vampirique socialement parce que l'âme est vampirique individuellement. L'homme doit briser la loi d'action et de réaction. La loi d'action et la loi de réaction, ce sont des lois cosmiques. L'homme doit la briser, l'ego doit la briser. Mettre le but. Il n'y a qu'une façon. C'est avec l'intelligence, ça va non. On interprète ce que l'on est. On ne doit pas interpréter ce que l'on est. On doit manifester ce que l'on est. Aussitôt qu'on interprète ce que l'on est, on pense. Nous autres, même. On pense. On n'a pas besoin de penser. On n'a pas besoin de mémoire. Faut que l'âme cesse de te servir de l'ego. Quand on pense, puis qu'on a de la mémoire, l'âme se sert de l'ego. Parce que l'âme est abreuvée d'expérience. Assoiffée d'expérience. Tout ce qu'elle a, c'est de l'expérience. C'est un one-track mind. L'expérience, puis l'expérience, puis l'expérience, puis l'expérience. Il y a un Christ de bout à l'expérience. Quand c'est de l'intelligence, c'est plus besoin de l'expérience. Voilà ce que je veux dire. Quand c'est final. Ça ne suffit pas, tu m'ouvres, ça ne suffit pas, tu m'ouvres, ça ne suffit pas, tu m'ouvres. Tu prends des décisions, puis tu prends des décisions. Ça, c'est de l'intelligence, puis la volonté, ça appartient à l'ego. Tu n'es plus soumis à rien. Ni aux hommes, ni à l'homme. Tu fonctionnes créativement. Tu fonctionnes, tu fonctionnes, tu fonctionnes, tu fonctionnes. Puis tu meurs pas. Il y a pas un maudit qu'on va mourir. Mais, pour vivre ça, cette intensité-là, cette réalisation-là. On a besoin d'intelligence. Je suis pas pour vous nourrir toute ma vie. J'ai quelques années à vous nourrir. Mais un jour, il va falloir que vous vous nourrissiez seul.